Bosco, Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La population du centre urbain de Kirundo vit la peur au ventre à cause des vols nocturnes. N'offusque que pour la seule nuit de mercredi à jeudi, trois maisons ont été visées par des hommes portant des armes blanches. Les quatre premières équipes de la Primus League ne participeront pas à la cinquième édition de Nkurunziza Cup à cause du manque de moyens. Et pour cause, les contrats des joueurs expirent avec la fin du championnat Primus League. Vous aurez les détails. Dans ce journal, on vous présente quelques axes des programmes politiques du parti Piébou et de l'indépendant Cyprien Niyungeko en vue des élections communales et législatives du 5 juin prochain. La chronique parle, rassure-moi, parle de la lutte contre les discours ironisants des leaders, des discours blessant profondément l'autre. Voilà pour le sommaire. Développer les cultures industrielles comme le coton et le café et construire des industries modernes, voilà quelques projets prioritaires que présente à la population le parti politique Piébou au cours de cette campagne législative et communale. Déogracias Nsanganiumami, président de ce parti politique, l'a déclaré dans ses jours de campagne où les partis politiques présentent leurs projets de société au Burundi. Suivez. Au niveau du secteur économique, notre projet de société met en avant une augmentation de la production, surtout dans le domaine agriculture, élevage, et essentiellement pour les cultures industrielles, les cultures d'exportation que vous connaissez très bien. Par la suite, nous avons constaté que la majorité des Burundais, en fait, ne travaillent pas, ne vaquent pas sérieusement au travail. Et vous observez vous aussi à travers le pays le phénomène des ligala et autres, ce qui fait que notre jeunesse n'est pas du tout sur le travail. Donc nous envisageons mettre toutes les catégories de la classe burundaise, toutes les catégories confondues au travail, chacun pour ce qu'ils peuvent faire comme travail. Nous l'avons toujours dit que notre devise, la devise du Burundi, a été toujours utilisée pour acheter des produits non essentiels pour notre pays. Et nous envisageons aussi de notre parti Piébou de stopper toutes ces importations qui peuvent être trouver des produits de substitution locaux ici chez nous. Ici, je dirais à titre d'exemple les produits qui sont fabriqués à base du cuir, à base de la peau et des produits fabriqués à base de l'arbre, des chaises ministres et tout ça. Et nous avons constaté que nos spécialistes, nos techniciens ne sont pas formés jusqu'à bout. Et raison pour laquelle, et s'il y a l'un ou l'autre qui tombe malade, nous l'avons constaté à maintes reprises. Et les malades doivent être expédiés pour Nairobi, pour l'Inde, et ce qui fait que ça fait perdre beaucoup de devises pour notre pays. Et au niveau social, dans les zones urbaines, nous avons dit que dans les zones urbaines, nous allons envisager les logements sociaux au lieu de distribuer des parcelles individuelles. Et nous avons dit qu'au niveau du commerce, du business intérieur, et ces histoires des barrières devraient être enlevées, puisque ça n'aide pas vraiment beaucoup pour le développement. Ça ne fait plutôt que freiner le mouvement accru des commerçants. Au niveau de la politique et des relations internationales, et l'accord d'Arusha devra être appuyé. Nous allons l'appuyer. Et aussi la charte d'unité nationale pour la paix et la réconciliation au Burundi. Nous allons l'appuyer. Le projet qui suit, c'est le projet qui sera axé sur la coordination des coopératives, prioriser des activités qui puissent aider la population à se développer très rapidement. Déogracias Nsanganiumami, président du parti Piébou. De son côté, le candidat indépendant aux législatives du 5 juin prochain, Cyprien Niyungeko, promet de se mettre à l'écoute des citoyens et de lutter contre les injustices de toute forme s'il est élu pour siéger à l'hémicycle de Kigobe. Son projet de société comprend également la bonne gestion de la chose publique. Pour lui, c'est d'ailleurs à cette condition que même le problème de carburant sera résolu. On l'écoute. L'émission d'un député, c'est de choisir les lois qui conviennent au Burundi. C'est aussi de contrôler l'action gouvernementale. À cela, je vais y ajouter une chose importante. Je vais être à l'écoute des Burundais, de leurs préoccupations. Je vais les faire miennes Je vais m'appesantir sur deux points. Il y a la richesse du pays qui est dilapidée d'une façon, je dirais, irresponsable. Et ça date de très longtemps. Quand est-ce que ça va changer? À l'hémicycle, on va en faire une question fondamentale. Je vais aussi m'apesantir sur la justice. Il n'est pas normal que dans un pays, des jugements injustes soient rendus d'une façon exagérée. Et que cela soit toléré dans un pays. La justice est là pour trancher, donner raison à celui qui a raison, donner tort à celui qui a tort. Lorsqu'on ne se retrouve pas dans cela, c'est un problème très sérieux. À propos, à l'hémicycle, on fera tout pour mettre fin à cela. Mais aussi, il y a une culture du mensonge dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle de la ruse. Les gens malveillants, malhonnêtes en profitent beaucoup. On va faire promouvoir l'honnêteté, la sincérité. Et d'ailleurs, dans les pays les plus démocratiques, on ne ment pas comme on veut. Et ils ont banni l'hypocrisie. Pourquoi pas chez nous? Tout cela a de l'origine lointaine, la mauvaise gestion de la chose. Lorsqu'on nous dit qu'il y a des devises manquées, qu'en même temps, on nous dit comment les devises ont été détournées, il faudra de la bonne gestion dans tout ce qui appartient à l'État. La rigueur en tout, et ça ira très bien. Tout est lié à la volonté, surtout les dirigeants. Le candidat indépendant aux législatives, Cyprien Niyungeko. Le Burundi organise ce jeudi une assemblée générale constitutive du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au Burundi, trouve que le début de ce réseau sera une fierté pour le Burundi et les participants à la présente assemblée pour observer le processus électoral en cours dans le pays. Prosper Nahorguambiye indique que le but de cette première assemblée générale est essentiellement de mettre en place les textes qui régiront ce réseau. L'objet de cette Assemblée générale, premièrement, c'est d'adopter les statuts. Après avoir adopté les statuts, nous allons adopter le règlement d'ordre intérieur. Et après le règlement d'ordre intérieur, on va mettre en place les organes. Et puis, adopter aussi un plan stratégique des activités qui vont marquer l'organe de gestion des élections pour les États d'Afrique centrale, le réseau Rogéa-Kansi. Comme nous tenons l'Assemblée générale du Rogéa à la veille des élections, ça sera une opportunité de faire l'observation électorale. Et comme vous le savez, les observations électorales contribuent à crédibiliser une élection tenue dans tel ou tel autre pays. Mais sinon, ça sera des échanges d'expériences, des rapports de collaboration entre les organes de gestion des élections de nos États, des États membres. C'est l'entraide des commissions. Nous faisons la même chose et comme vous le savez, l'union fait la force. On va s'entraider, on va faire l'échange d'expériences et puis tirer les bonnes leçons et puis s'entraider dans l'organisation des différentes élections organisées dans nos pays. Africaine, ça s'est trop dit, mais des réseaux similaires existent. Je citerai par exemple le RSF, c'est le réseau du savoir électoral des États francophones. C'est un réseau mondial. Notre réseau sera un sous-réseau, si je puisse l'appeler ainsi, ou un réseau régional. C'est un privilège et un honneur pour un pays. L'acte de naissance sera signé à Bujumbura, l'acte de naissance de ce réseau. C'est quand même un pas significatif et très positif pour le pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, trois maisons du centre urbain de Kirundo ont été la nuit de ce mercredi à jeudi la cible d'un vol par des hommes portant des armes blanches. Dans deux d'entre elles, les voleurs ont été repoussés avant d'y pénétrer, tandis que dans la troisième, quelques objets ont été dérobés. Le chef du quartier Nyangebushaza appelle les habitants à plus de vigilance en installant des lampes veilleuses sur les clôtures pour dissuader les malfaiteurs. Correspondance Abraham Safari. Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, des voleurs ont fait irruption dans trois maisons situées dans le quartier Nyangebushaza, provoquant la peur et l'indignation parmi les habitants. Selon des témoins victimes de ces actes, les voleurs ont tenté d'entrer dans deux maisons sans y parvenir, mais ils avaient déjà escaladé les clôtures et s'étaient introduits dans les cours munis d'échelles. Dans une troisième maison, ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur après avoir forcé l'entrée. Une personne qui dormait dans la maison s'est réveillée et a trouvé des hommes debout au-dessus d'elle, armés de machettes et de barres métalliques. Pris de panique, l'occupant a crié, ce qui a fait fuir les voleurs. Ces derniers ont toutefois réussi à emporter certains biens avant de s'échapper. Les victimes affirment que ces malfaiteurs seraient en possession de plusieurs types de clés, ce qui leur permettait d'ouvrir facilement les portes des maisons comme s'ils étaient chez eux. Cette situation inquiète profondément les habitants du quartier qui craignent même pour leur vie si jamais ils tentaient de se défendre face à ces cambrioleurs violents. Le chef de quartier Nyange Bouchaza, Nziza Elias, appelle la population à rester vigilante, à s'organiser pour monter la garde la nuit, à enregistrer toutes les personnes qui dorment dans leur maison et à veiller à ce que les cours soient bien éclairés pendant la nuit. Il recommande également que les habitants emploient des personnes de confiance, car selon lui, certains domestiques travaillaient en complicité avec les voleurs. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. La formation Aigle Noir, tenant du titre du championnat national Primus League, est en train de recruter des joueurs expérimentés dans le but de bien représenter le pays dans la compétition africaine de la Ligue des Champions. Cela a été annoncé ce mercredi par l'entraîneur de cette équipe lors d'une conférence de presse organisée pour présenter l'état des lieux des préparatifs de la 5e édition de Nkurunziza Cup, qui malheureusement ne verra pas la participation des 4 premières équipes de la Primus League, puisque les conditions logistiques ne le leur permettent pas. Et pour cause, les contrats des joueurs expirent avec la fin du championnat Primus League. Un reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Lors de cette conférence de presse, Jimmy Ndaïze, hier entraîneur de l'équipe Aigle Noir, a indiqué que cette formation est prête à affronter l'équipe Congo Vietel évoluant dans la première division du championnat national de Vietnam. Ce match s'inscrit dans la 5e édition du tournoi Nkurunziza Cup dédié au fait Pierre Nkurunziza, l'ancien président de la République du Burundi. Jimmy Ndaïze ajoute en outre que les négociations sont en cours avec les joueurs dans le but de sélectionner les meilleurs joueurs pour représenter minutieusement le pays dans les compétitions africaines de la Ligue des Champions. Maintenant, nous allons participer dans les compétitions africaines de la Ligue des Champions. Comme vous le savez, cette compétition est différente du championnat local de Primus League, raison pour laquelle nous devrons renforcer l'effectif de nos joueurs en recrutant des joueurs expérimentés dans le but d'arriver très loin dans la Ligue des Champions. Concernant la participation de 4 premières équipes du classement définitif du championnat national Primus League, Fabrice Niragira, porte-parole de la Fondation Burundi Pax Burundi qui organise ce tournoi Nkurunziza Cup, indique que ces équipes ont précisé qu'elles sont incapables de participer après le championnat Primus League suite au manque de moyens financiers. Le premier trophée du tournoi Nkurunziza Cup a été remporté par la formation Messager Ngozi en 2021, au moment où celui de l'année passée a été gagné par l'équipe Aigle Noir après avoir bâti l'Académie La Rambla de l'Espagne sur le score de 3-0. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. En cette période où nous cheminons vers les élections législatives et communales le 5 juin prochain, aujourd'hui nous revenons sur certains articles du Code électoral pour ce qui est de l'organisation des opérations de vote sur le territoire national, des opérations qui se déroulent sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante. Compte rendu de lecture de ce texte de loi par Lydie Gahimbare. L'article 36 de ce code stipule que le secrétaire a lieu à la date fixée par le décret de convocation des électeurs visés à l'article 11 du présent code électoral et ne dure qu'un seul jour. Il est ouvert à 6 heures et clôturé à 15 heures. Toutefois, compte tenu des circonstances, le président du bureau de vote peut décider que la fermeture soit reportée à 16 heures au plus tard. La décision est motivée et consignée au procès verbal du déroulement du scrutin. L'article 37 de ce code stipule que le vote a lieu au moyen d'un bulletin de vote unique dont le modèle est fixé par la CENI, reprenant les emblèmes ou signes distinctifs de tous les candidats en compétition. Et l'article 38 stipule que les opérations de vote sur le plan national se déroulent sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante. Au niveau de la province, de la commune, de la colline ou de quartier, la Commission électorale nationale indépendante est assistée par des commissions provinciales et communales dont les membres sont nommés par la commission du niveau directement supérieur. À chaque niveau, les membres sont nommés dans le souci de garantir la neutralité politique, des équilibres ethniques et du genre. À chaque niveau, des contestations contre le non-respect du principe de la neutralité politique et des équilibres ethniques et de genre peuvent être adressées par quiconque, y compris les représentants des partis politiques, coalitions des partis politiques ou candidats indépendants au présent de la commission du niveau directement supérieur au plus tard 3 jours après la réunion d'information à l'intention des représentants des partis politiques, des coalitions ou des candidats indépendants. La commission saisit et statue définitivement dans un délai de 4 jours suivant sa saisine. Et l'article 39 de ce code stipule que chaque bureau de vote est doté d'un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote. Et l'article 40 stipule qu'un bureau électoral composé d'un président et de 4 membres est désigné pour chaque bureau de vote par la commission électorale communale indépendante parmi les électeurs inscrits au rôle du dit bureau dans le respect des équilibres politiques, ethniques et genre. La décision de nomination est notifiée aux intéressés et affichée aux portes des bureaux de vote ou à tout autre endroit approprié proche du bureau de vote. Un recours contre le non-respect de la diversité politique, ethnique et de genre de la composition du bureau électoral peut être adressé par quiconque, y compris les partis politiques, coalitions ou candidats indépendants participant aux élections à la commission électorale et provinciale indépendante au plus tard 3 jours après la désignation de ce bureau. La commission électorale et provinciale indépendante statue définitivement dans un délai de 4 jours suivant sa saisine. Parle, rassure-moi. La chronique Parle, rassure-moi traite de la lutte contre les discours ironisants des leaders, des discours blessant profondément l'autre, selon des explications de Patrice Sabougouheva, sociologue. De leur côté, certains habitants de la commune Guéogazi en province Karoussi trouvent que ce genre de discours divise les communautés et estiment qu'il procède de l'arrogance. Mireille Kanyang. Ces habitants de la colline commune Guihogazi se réfèrent sur des exemples des personnes plus nantis que d'autres et qui se vantent comme des auteurs de ces discours ironisants. Ce sont des discours qu'ils ont déjà entendus dans le voisinage, disent-ils. Selon des explications de Patrice Sabougouheba, sociologue, un tel discours blesse profondément les autres, surtout quand l'auteur est un leader. Un langage ironisant ou discours pour le chef, ironisant, sadique, cynique. Donc c'est ce langage ou ce discours qui blesse en profondeur l'interlocuteur. L'interlocuteur peut être une personne ou un groupe de personnes ou une communauté ou même une nation. Un mot qui blesse peut ne pas savoir la profondeur de la blessure de l'autre. Comment l'autre est tourmenté? Comment l'autre est fâché? Donc, celui qui a été tourmenté, blessé, il peut se révolter. Mais quand on dit « il y a du carbure », vous êtes gouverneur ou administrateur, vous êtes ministre, vous êtes quoi? Vous êtes en train de blesser tout ce monde qui marche à pied parce qu'il n'y a pas de carbure. Mais ils le font sciemment parce que politiquement, ils deviennent des démagogues. La démagogie, c'est quand vous savez que la situation est difficile et vous tendez à montrer que la situation est bonne, que tout le monde doit y croire. Pour lutter contre ces discours, Otto Mbazumutima, conseiller politique de l'administrateur de la commune Guihogazi, trouve qu'il faut vivre en harmonie car, dit-il, ces discours peuvent être source de conséquences. Des fois, il y a usage d'autorité. Une fois, je serai plus autorité. La conséquence peut vaincre, celui qui aura été touché va se venger pour essayer de chercher comment récupérer tout ce que je lui aurais enlevé le moment où j'étais son chef hiérarchique. Le sociologue Patrice Sabuguheba appelle en outre les leaders à peser les mots, à éviter des discours de haine et avoir plutôt de la compassion dans le but d'éviter des situations catastrophiques. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.